Chapitre 30e, ce que contenait l'enveloppe. Paul Imbroquet était revenu dans la chambre du blessé dont il avait tout à l'heure fermé la porte. Rien de tout cela n'avait été par conséquent surpris par le ministre ni par Simonet. « Pardon, monsieur le ministre, » dit alors le détective, « nous avons maintenant à nous beaucoup moins de temps que je ne l'espérais. Dans quelques minutes, ici, vont venir des gens prendre des nouvelles du blessé, à qui nous ne pourrons refuser la porte. Il faut cependant qu'avant ces visites, nous ayons demandé à monsieur Simonet de nous dire franchement ce que nous tenons tant à savoir. « Eh bien, mon cher Broquet, ne perdons pas de temps. Simonet va vous répondre. Posez-lui les questions. » Paulin Broquet s'approcha du chevet du blessé et commença. « Naturellement, monsieur Simonet, vous ne pouvez vous douter de la raison qui vous a fait octroyer ce coup de poignard, et encore moins de la main qui vous en a gratifié. En effet, c'est pour moi, je peux le dire, une douloureuse surprise. C'est une faute, une maladresse, que j'ai peine à comprendre de la part de celui qui en est l'auteur. Ou bien le but est celui que monsieur le ministre connaît et que nous allons vérifier, établir. Je reprends. Que vous soyez ou non l'amant de la comtesse Pepa d'Ortega, Simonet sursauta sur ses oreillers. Il voulut parler, mais Paulin Broquet l'arrêta. « C'est votre affaire. Cela ne nous regarde pas. Négligeons la chose. Ne voyons que les suites. Laissez-moi dire que vous soyez ou non l'amant de la comtesse Pepa d'Ortega, qu'on vous ait attiré exprès chez elle pour le donner à entendre, c'est la même chose pour nous. Mais ce n'était pas suffisant pour pousser un homme comme le baron de la Roucoulière à vous donner un coup de poignard. Comment le baron? Vous croyez le baron? On a fait croire à ce pauvre homme qu'il pourrait fort bien devenir l'époux de la comtesse et déposer sa couronne périgourdine sous les millions argentins. Le malheureux est tombé dans le traquenard. Vous ayant vu entrer chez celle qu'il proclamait déjà sa fiancée, il l'a constitué témoin et a déclaré partout qu'il allait se venger de vous en vous envoyant 5 pieds sous terre avec sa fameuse botte de la Roucoulière. Tout Paris savait que M. Simonet était condamné à mort par le terrible baron. Mais là où ceux qui le faisaient agir se sont trompés, c'est en changeant la redoutable épée, qui ne fera jamais de mal à personne, en un poignard. La Roucoulière est un pantin, un fantoche ridicule, mais c'est un honnête homme, qui, s'il est incapable de tuer un adversaire avec sa botte secrète, l'est encore bien moins de l'assassiner avec un poignard. « J'en suis convaincu, » déclara Simonet. « On l'avait cependant placé derrière vous à l'opéra, en effet, pour qu'il m'assassinât. Pour qu'on vous frappât pour lui, en faisant croire que c'était lui. C'est une infamie. Non, c'est une sottise. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous allez le savoir. Permettez-moi auparavant de vous poser 2 questions. Je vous écoute. Qu'avez-vous promis dans votre bureau, au ministère, entre 2 baisers? Qu'avez-vous promis d'apporter sans faute demain à la comtesse Varsovia? Simonet se mit à sourire. Vous avez donc vu, entendu? Oui, je n'ai pas à faire mystère de cela. Aucun règlement, monsieur le ministre, n'est-ce pas, ne nous interdit d'embrasser les jolies petites banquettes. Non, en effet. Et cependant, passons. Alors, qu'avez-vous promis? La comtesse tenait à assister à la soirée du gala de l'opéra. Elle n'avait pu trouver de coupons. Tout était pris. Elle m'a demandé de lui avoir quand même 2 places. Je me suis engagé à les lui fournir. Voilà. Voilà ce que j'ai promis d'apporter le lendemain, sans faute. Parfait, dit Paulin Broquet. C'est donc pour vous remercier que le soir à l'opéra, tout à coup, la comtesse vous a arrêté au-dessus du grand escalier, dans le vestibule gauche, toujours sombre, derrière les grosses colonnes carrées, et vous a parlé tout près de l'oreille, se tenant pour ainsi dire suspendu à votre cou, peut-être vous disant merci, comme quand elle accentuait sa demande, et vous affirmez votre promesse. Simonet sourit encore. « Vous voyez donc tout, mon cher Broquet. Vous avez un œil partout. Oui, c'est cela. » La comtesse n'avait pu me remercier plus tôt. M'ayant rencontré dans la loge de la comtesse d'Ortega, elle me guettait, m'attendait là pour me dire gentiment merci. « C'est parfait encore, » dit Paulin Broquet. Il reprit. « Maintenant la 2e question. Que contenaient les poches intérieures de votre habit? Répondez vite, d'un mot. Peu de choses. Un portefeuille mince d'un côté, un mouchoir de l'autre. C'est tout, bien tout. Oui, on ne peut guère mettre autre chose dans un habit quand on ne veut pas le déformer. Je n'avais que cela sur moi, je l'affirme. » Le ministre s'est élevé. Il s'approcha du blessé. Avec émotion, il lui demanda. « Cela seulement, n'est-ce pas, Simonet? Mon ami, mon parent, cela seulement. » « Mais oui, monsieur le ministre, » répondit Simonet, troublé maintenant par l'insistance que mettait son chef à cette question. « Vous me le jurez. Vous m'en donnez votre parole d'honneur. »« Sur mon honneur, monsieur le ministre, je vous le jure. » M. Desboisbilly prit dans ses mains les mains de Simonet et les serra fortement. Ah, vous ne sauriez croire combien vos paroles m'en rendent heureux. » Inquiet, Simonet demanda. « Mais pourquoi, je ne comprends pas. Pourquoi, qu'y a-t-il ? » Paulin Broquet, discrètement, s'était un peu reculé. Sa tâche était remplie. Il laissait au ministre le plaisir de révéler la vérité à son chef de cabinet. « Parce que, dit M. Desboisbilly, parce que dans la poche de votre habit, Paulin Broquet a trouvé dans une enveloppe les documents que la veille M. Evans, envoyé par le Foreign Office, m'avait apportés. » Simonet tressaillit. « C'est impossible ! » s'écria-t-il. « C'est impossible ! Je les ai, et vous savez avec quel soin maintenant, enfermés dans l'armoire de fer. » M. Desboisbilly répondit. « Calmez-vous, mon ami. Votre innocence ne fait pas l'ombre d'un doute, mais cependant le fait est exact. » On a voulu nous montrer que nous avons eu tort d'arrêter ce malheureux Reynaud et qu'on pouvait encore avoir des documents. On a voulu nous prouver que celui qui les fournissait était celui qui devait les garder. C'est une infamie. Ils ont employé la manière violente, scandaleuse, pour rendre publique cette découverte, cette constatation. C'est odieux. Mais Paulin Broquet a déjoué une fois de plus leur plan infernal. Il lui a été matériellement impossible de vous préserver du coup de poignard. Mais il a sauvé votre honneur de tout soupçon en enlevant de votre habit, pendant qu'il vous transportait blessé, l'enveloppe qu'à votre insu, cette exquise petite banquette, cette comtesse Varsovia, avait, entre deux baisers, glissé habilement dans la poche de votre habit. Des larmes maintenant coulaient des yeux de Simonet. « Ah, monsieur le ministre, dit-il, sans m'en douter, j'ai commis une faute que je ne devais pas commettre, en accueillant aussi facilement cette femme dans mon bureau. Des documents confiés à ma garde ont pu sortir du coffre dont j'ai la responsabilité. Je suis prêt à subir la punition que je mérite. En tout cas, tout à l'heure, je vous ferai parvenir ma démission. Que je n'accepterai pas, mon cher ami. Je vous garde pour toute punition. Cependant, des documents ont été livrés. » Ici, Paulin Broquet intervint. « Oui, monsieur Simonet, seulement, les documents dont Zigomar a pu s'emparer sont sans valeur. Je m'explique. Quand j'ai escorté M. Evans, j'ai moi cambriolé la valise diplomatique. J'ai mis des documents anciens, périmés. Les bons sont chez moi, en lieu sûr. » Et se tournant vers M. Desboisbilly, « Je vous demande pardon, monsieur le ministre, de ne pas vous avoir prévenu tout de suite. Mais demain, M. Evans, à qui je les remettrai, vous apportera les bons documents, qui maintenant, avec les nouvelles serrures, les nouvelles clés adaptées à l'armoire de fer, seront en sûreté. » Tout simplement, le détective conclut. Et voilà comment Paulin Broquet, que l'on croit facilement roulé, déjoue les coups de Zigomar et de son acolyte le célèbre Mac Blinkerton. À ce moment, il sembla que le tonnerre entrait dans la maison. « Ah ! » fit Paulin Broquet. « Voilà qui me fait plaisir, qui me rassure. Ce tapage nous annonce l'arrivée du capitaine de la Rochardie. J'ai envoyé un de mes hommes pour le prier de venir en toute hâte. Il accourt. Monsieur Simonet sera bien gardé. » Presque aussitôt, comme une trombe, pénétrait dans la chambre le capitaine de la Rochardie que suivait le flegmatique capitaine de Montgomery. La Rochardie, retenue par son service jusque-là, arrivait au galop, croyant que son ami courait un nouveau danger. Il se sentait en humeur de sabrer. Paulin Broquet lui dit simplement « Voici ce dont il s'agit. Vous allez vous tenir ici quand le ministre, qui ne peut rester davantage, sera parti. Vous allez demeurer auprès de votre ami pendant le temps que resteront ici les prochains visiteurs. » « Qui seront ces visiteurs ?» demanda le capitaine. Le nouveau valet de chambre de Simonet parut et demanda. « Monsieur Simonet peut-il recevoir la comtesse d'Ortega et le marquis Don Isigo Martolo ?» Simonet fut très surpris, très inquiet à cette annonce. « Recevez-les, » dit M. Desboisbilly, « et maintenant que vous savez, faites comme si vous ne saviez rien. » Puis, ayant serré une dernière fois la main de son parent, il sortira. Paulin Broquet l'accompagna jusqu'à la porte. Et comme le ministre voulait l'emmener avec lui, il lui dit « Merci, monsieur le ministre, mais j'ai encore à travailler ici. » Il rentra dans l'appartement, alla voir ses hommes, et organisa le plan qui devait mettre Simonet à l'abri d'une vengeance probable de Zigomar. Puis il se retira. Dans une auto, il se dirigea vers la sûreté, voulant faire légaliser l'arrestation du vicomte ami du marquis Don Isigo, qui tenait auprès de monsieur Simonet l'emploi de valet de chambre, et qui, en ce moment, devait occuper une des cellules spéciales du dépôt.